Bienvenue dans cette méditation guidée. Respiration à ton rythme. Installez-vous confortablement, fermez doucement les yeux. Inspirez profondément. Sentez votre corps s'emplir d'air frais. Expirez lentement. Relâchez les tensions, comme les vagues qui repartent au large. Imaginez que vous êtes assis au bord de l'océan devant vous, l'horizon pastel s'étend à l'infini. À vos côtés, un ton majestueux nage calmement, incarnant la force et la fluidité de l'eau. Synchronisez votre respiration avec ses mouvements. Inspirez lorsqu'il monte à la surface. Expirez lorsqu'il plonge doucement sous l'eau. Continuez ce rythme, à ton rythme. Chaque inspiration vous apporte calme et vitalité. Chaque expiration libère vos tensions et vos pensées parasites. Prenez encore 3 cycles de respiration. Laissez-vous porter par l'océan, par ce ton compagnon de sérénité. Doucement, ramenez votre attention à l'instant présent. Bougez vos doigts, vos épaules. Et quand vous serez prêt, ouvrez les yeux. Vous êtes calme, centré, à plein temps. Expirez lentement, relâchez les tensions, comme les vagues qui repartent au large. Imaginez que vous êtes assis au bord de l'océan devant vous. Devant vous, l'horizon pastel s'étend à l'infini. À vos côtés, un ton majestueux nage calmement, incarnant la force et la fluidité de l'eau. Synchronisez votre respiration avec ses mouvements. Inspirez lorsqu'il monte à la surface. Expirez lorsqu'il plonge doucement sous l'eau. Continuez ce rythme. Ton rythme. Chaque inspiration vous apporte calme et vitalité. Chaque expiration libère vos tensions et vos pensées parasites. Prenez encore 3 cycles de respiration. Laissez-vous porter par l'océan, par ce ton compagnon de sérénité. Prenez encore 3 cycles de respiration. Laissez-vous porter par l'océan, par ce ton compagnon de sérénité. Doucement, ramenez votre attention à l'instant présent. Bougez vos doigts, vos épaules. Et quand vous serez prêt, ouvrez les yeux. Vous êtes calme, centré.